Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Louis-Dominique Cartouche, le premier suspect numéro un de l'histoire de France. Le bourreau et ses aides ont attaché le condamné sur une croix de Saint-André. Ils lui brisent les membres et les côtes, puis ils vont le fixer désarticulé à une roue de carrosse qui est fichée à l'horizontale, et ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Et qui est le malheureux qui se trouve sur cette roue? Cartouche, il s'appelle Cartouche, un jeune bandit insolent, plein d'audace. La terreur du régent Philippe d'Orléans, vous savez, qui assure en quelque sorte l'intérim entre Louis XIV et Louis XV. Franck Ferrand, animateur de nombreuses émissions d'histoire à la radio et à la télévision française, le 28 novembre 2014, lors de sa chronique quotidienne qui était présentée à l'époque à l'antenne d'Europe 1, autant Louis-Dominique Cartouche fait trembler toute l'aristocratie française autour de 1720, autant le peuple voit rapidement en lui le vengeur des laissés-pour-compte. Tous les éléments étaient donc réunis pour conduire à la naissance d'un mythe autour de cette figure de Cartouche. Comme chef? Oui! Vous allez m'avoir! Vous me suivrez jusqu'à la corde? Oui! Et voici mes lois. Pas de meurtre. On ne s'attaque qu'aux grands. Je ne vois pas pourquoi seuls les grands ont le droit de porter des plumes et des dentelles. Et seuls le droit de tirer le lièvre dans des carrosses à pompons. Ça nous revient aussi. À nous autres donc les dentelles, les plumes, les lièvres, les carrosses et les pompons. Toi le comptable, tu feras des parts égales. Et avec tes gants! Extrait du film Cartouche que Philippe de Broca réalise en 1962 et qui met en vedette, vous l'avez peut-être reconnu, Jean-Paul Belmondo dans le rôle de Cartouche. Pour nous parler du vrai Louis-Dominique Cartouche, je reçois Pascal Bastien, qui est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Pascal Bastien, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Alors, Louis-Dominique Cartouche, il est effectivement devenu au fil du temps une espèce d'héros populaire, Pascal Bastien. Pourquoi? D'où lui vient cette image-là? À quoi correspond surtout ce mythe autour de Cartouche? Cartouche est en effet une légende, hein, un mythe, et puis qui a rapidement fasciné ses contemporains, à la fois parce que les autorités en ont fait un suspect recherché, mais aussi parce qu'il a lui-même entretenu le côté spectaculaire de ses crimes. Il se trouve dans la longue histoire en Occident de la renommée et de la réputation, il se trouve entre le moment de la gloire attachée aux militaires et de la célébrité que l'on connaît aujourd'hui, celle d'une commercialisation de la réputation des uns et des autres. Ouais. Et puis, à cette figure, vous me corrigerez, mais on veut y voir une espèce, c'est ça le mythe, une espèce de Robin des Bois. La figure du brigand généreux est une construction du 18e siècle, mais d'une construction qui vient après l'exécution de Cartouche, parce qu'il est tout sauf un Robin des Bois. Il a fasciné par son intrépidité, il a fasciné surtout par la violence de ses crimes, parce que c'est un voleur brutal. Cartouche n'a jamais volé les riches pour donner aux pauvres. Il faut attendre à peu près 5 ans après son exécution pour que, dans la plupart des petites brochures qui racontent sa vie, on invente la générosité du criminel. Mais en fait, c'est quelqu'un qui violente ses victimes, qui torture ses ennemis, qui terrorise, mais qui fascine autant le peuple comme l'aristocratie. Ouais. Un petit caïd avant l'époque, là, avant l'heure, à la tête d'une organisation criminelle importante. Là encore, je crois que je vais peut-être participer à déboîter toute une série de mythes. Il est, dit-on, effectivement un bon leader, mais cette réputation d'être à la tête d'une puissante organisation criminelle où il aurait été en quelque sorte une espèce de parrain, ça c'est en effet construit par les autorités D'accord. judiciaires qui veulent justifier en fait leur force répressive en disant « regardez à qui on a affaire ». Mais en fait, c'est quelqu'un qui a une influence dans le milieu criminel, mais qui joue avec des solidarités, qui connaît beaucoup de gens, mais sans être celui qui, en quelque sorte, manipule une société secrète et interlope. Donc ça aussi, ça fait partie du mythe, mais cette fois-là, construit sciemment par les autorités policières qui le combattent. C'est intéressant. Comment il en vient, cela dit, à devenir un criminel notoire, Cartouche? cartouches. On écoute d'abord Michel Ellenberger, auteur du livre « Cartouches, histoire d'un brigand, un brigand devant l'histoire », nous donner quelques éléments de réponse à l'émission de Patrice Gélinet, « 2000 ans d'histoire ». Et il participe à la campagne des Flandres, qui fait partie de cette innommable guerre de succession d'Espagne, n'est-ce pas, l'un des derniers exploits de Louis XIV. Et quand on était dans l'armée, à l'époque, c'était pas du tout la discipline de fer des armées napoléoniennes. Alors, par exemple, pour améliorer l'ordinaire, on faisait ce qu'on appelait aller à la picorée. Aller à la picorée, ben, c'est aller dans une ferme, ramasser, piller, revenir avec du bétail, ou alors ce qu'on appelait aussi une action de partisan. Et le mot, il a appris à voler dans l'armée. C'est à l'armée. Comment est-ce qu'il est devenu chef de bande comme ça? Alors, il est devenu chef de bande parce que subitement, il y a eu la paix. C'est daté, la paix d'Utrecht de 1713. Et à ce moment, c'est la paix. Tous les soldats sont renvoyés, mais comme ça se faisait à l'époque, évidemment, pas question d'avoir une solde, pas question d'avoir un pécule, pas question d'avoir une pension. Ils sont jetés à la rue. Et à la fin du règne de Louis XIV, qui était vraiment une période abominable, il y avait des bandes de mendiants qui étaient des soldats débauchés, des soldats dévoyés qui parcouraient les campagnes. Et il y avait aussi des bandes qui se formaient. Et alors Cartouche, il a proposé à ses hommes de mais restons ensemble, et puis ce qu'on faisait dans l'armée, eh bien on va le faire pour notre propre compte. Voilà. Et il y a une chronique d'époque, je dis juste cette phrase qui est assez amusante, qui dit, parmi ces soldats, les uns étaient devenus soldats parce qu'ils étaient des fripons, et les autres étaient devenus fripons étant soldats. Voilà. Donc le soldat, c'est déjà quelqu'un qui est assez louche à l'époque. Et là, carrément, on tombe dans la dévoyance. Alors, c'est donc dans l'armée que Cartouche apprend son métier de bandit. C'est en tout cas ce que vient de nous dire Michel Ellenberger dans cet extrait. Mais il n'y a pas que ça, Pascal Bastien. Non, Cartouche est une figure évidemment extrêmement complexe et elle est complexe pour les historiens parce qu'on doit essayer de la reconstituer entre les archives judiciaires et évidemment l'ensemble des fictions, l'ensemble des récits qui vont dessiner la figure de Cartouche dès les années 1720. Donc on sait effectivement qu'il est né à Paris en 1693, qu'il aurait été fils d'un ancien mercenaire allemand et qu'il s'est engagé et qu'il a effectivement combattu pendant la guerre de succession d'Espagne. Donc, on l'a entendu tout à l'heure, il y a la démobilisation massive qui accompagne la fin de la guerre et qui fait en sorte que lui et ses compagnons, anciens soldats, se retrouvent en quelque sorte libres et habitués à la violence des champs de bataille. Donc, effectivement, il y a une sociabilité militaire qui est le noyau de ce qui sera la bande de Cartouche. On raconte également qu'il aurait été formé avant même d'avoir rejoint l'armée. On raconte qu'il aurait été formé par des gitans, qu'il était séducteur, acrobate, voleur habile, hein, la figure de Belmondo que l'on a entendu tout à l'heure. Alors que, s'il a appris à voler pendant la guerre, c'est parce qu'il est soldat, c'est du vol en quelque sorte brutal, c'est du vol violent. Ce n'est pas le petit pickpocket habile à la Arsène Lupin avec qui on doit négocier. Cartouche est un petit artisan de la criminalité, un des plus actifs de la capitale dans les années 1715, 16, 17, 18, mais il est aussi un des plus violents. Ce qui fait sa réputation et ce qui fait en quelque sorte la raison pour laquelle ses complices le rejoignent, c'est parce qu'il est téméraire. Ouais, et c'est payant. Il y a cette avidité. C'est vrai qu'en creusant un peu, on s'éloigne de plus en plus du mythe. La violence, la cupidité, l'avidité, ça fait partie du personnage. Oui, il est gourmand, ouais. En effet. Mais il est gourmand, si vous voulez, moins par souci de pouvoir s'acheter un manoir et prendre sa retraite à un jeune âge. Il est gourmand d'aventure. Ouais. Et ça, effectivement, c'est raconté, mais c'est, semble-t-il, avéré. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est téméraire, intrépide, je l'ai évoqué, qui aime à la fois la nervosité du danger, tout en ayant le sang-froid hein, pour... finalement faire fi de toutes les difficultés. Et concrètement, ça donne quoi? Quel genre de crime, quel genre de méfait va commettre Cartouche? Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, il ne maîtrise pas les techniques les plus subtiles et, il faut bien le dire, les plus rentables de l'époque. Hein. Le vol à la tire, être pickpocket, c'est surtout pour la période qui nous intéresse, entre 1716 et 1720, c'est le système de l'art, c'est l'expérience du papier-monnaie et de très nombreux voleurs à la tire font fortune hein, en réussissant à voler le papier-monnaie expérimenté sous la Régence. Lui, il ne maîtrise pas ce genre de technique. Alors, courageux, il commet des vols peu élaborés, surtout nocturnes, surtout brutaux, agression armée, entrée par effraction, vol sur véhicule. Donc, non seulement il suscite la crainte de la part des élites et de l'aristocratie, parce qu'il s'intéresse aux riches, pas parce qu'il est généreux à l'égard des pauvres, mais les pauvres n'ont pas d'argent, donc on ne va pas s'attaquer aux pauvres, ils sont miséreux. Donc, non seulement il suscite la crainte chez les aristocrates, mais il suscite même la crainte, et on le voit dans les archives, chez les voleurs eux-mêmes, hein, parce qu'il n'hésite pas à rançonner ses propres collègues, et surtout les pickpockets qui sont plus efficaces que lui pour faire des gains rapides. Ouais. Alors, cette activité, il va la mener pendant quelques années avec sa bande de complices qu'on appelle les cartouchiens. Il va, de fait, bientôt devenir l'homme le plus recherché de France et ça va mener à une espèce de bras de fer qui va l'opposer, Cartouche, aux forces policières de l'époque. On écoute à nouveau, on parle de ça dans un instant, Pascal Bastien, mais on écoute d'abord à nouveau Michel Ellenberger à l'émission de Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire. On a du mal à comprendre, Michel Ellenberger, comment est-ce que cette bande, dont on connaissait les repères, les lieux de rendez-vous, a pu échapper comme ça à la police pendant 8 ans environ. Moi, j'y vois 3 raisons. La première, évidemment, c'était l'inorganisation de la police, qui était incroyable. C'était la règle sous l'Ancien Régime, n'est-ce pas ? À chacun ses prérogatives, à chacun ses privilèges, à chacun son précaré, s'agissant de la police. Déjà la guerre des polices. Tout à fait, c'était la guerre des polices. Donc, il pouvait passer en dehors de ça. En plus, une autre chose, c'est que qui était à la police ? Mais c'était aussi des soldats dévoyés qui n'avaient pas trouvé à s'occuper ailleurs. Ouais. Donc, il y avait aussi des anciens complices ou même des complices ripoux, quoi. Actuels. Ah, voilà. Alors, il y avait aussi quelque chose qui a joué un rôle très important, dites-vous, c'est les tavernes, les cabarets où ils se retrouvaient. Il y avait des doubles entrées. Alors, vous en citez quelques-uns. Il y avait le Roule, l'Épée Royale, un qui porte vraiment un nom prédestiné, le Pied de Biche, par exemple. Voilà, le Pied de Biche ou le Pistolet aussi, par exemple. Oui. Eh bien, faut s'imaginer, on est dans la vie du peuple, évidemment. Ce n'est pas les gens qui vivent dans des hôtels particuliers, dans des châteaux. Ils vivent dans les maisons populaires, bon, qui sont assez mal aérées. On vit dans les étages, on est serré. Et tout se sait, tout se savait. Donc, ou préparer un mauvais coup, ou partager le bulletin, ben, on ne pouvait pas faire ça chez soi. Il y avait toujours des oreilles. Il y avait ce qu'on appelait à l'époque les mouches, ce que nous appelons les mouchards, qui étaient les indicateurs de police. Donc, où pouvait-on être à l'abri ? Mais justement, dans ces auberges qui étaient accueillantes, et dont le patron était complice, il ne laissait pas entrer n'importe qui, il demandait le mot de passe. Et c'était des endroits très commodes. Donc c'est vrai, Pascal Bastien, que Cartouche, il va échapper à la police plus souvent qu'à son tour. À quoi va ressembler ce bras de fer qui l'oppose aux forces policières de l'époque? Ben, on a entendu déjà l'étrange système policier qui existe dans ce premier quart du 18e siècle. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, la pègre parisienne à cette époque, s'il faut l'appeler comme ça, est constituée surtout par un ensemble de réseaux tissés par des liens de connaissances, par des collaborations. Cartouche connaît beaucoup de monde. Il a un noyau de quelques complices assez réguliers, notamment constitué par les soldats qu'on a évoqués tout à l'heure. Il a une autorité suffisante pour présider au partage du butin. Mais essentiellement, ce sont des nuages de complices qui caractérisent le monde criminel de l'époque. L'univers criminel de vol et de recel s'oppose donc à une police qui est, dans le premier quart du 18e siècle, en profonde reconstruction. On n'échappe pas à ces policiers corrompus, on l'a entendu tout à l'heure, mais le lieutenant général de police d'Argenson est quelqu'un qui est convaincu que la justice est inefficace, et c'est la raison pour laquelle il décide d'infiltrer des milieux criminels. Donc on a cette situation assez particulière où Cartouche a des complices dans le monde de la police et le monde de la police a des complices dans la bande de Cartouche. C'est justement le rôle des mouches, ce sont des espions, des gens qui ont été retournés par la police et qui vont ensuite essayer, et c'est ce qui perdra Cartouche plus tard, mais qui vont ensuite essayer d'annoncer aux forces de l'ordre où se trouve la prochaine réunion, où se trouve le prochain partage de butin. Et ce qui fait que Cartouche, finalement, on finira par lui mettre la main au collet. Il est arrêté, emprisonné plusieurs fois. Chaque fois, il réussit à s'évader. C'est assez spectaculaire. Mais en octobre 1721, on lui met définitivement la main au collet. Comment ça se passe? Cartouche a, et ça accompagne sa réputation de redoutable voleur qui se joue des policiers. Cartouche est arrêté d'abord en mars 1718 par un inspecteur. Il sera incarcéré par un an à Bicêtre et lorsqu'il va en sortir, il va assassiner cet inspecteur. La justice en placardera un peu partout à Paris des annonces pour le rechercher. On va déclarer à son de trompe qu'il doit être trouvé. Et c'est à ce moment-là que l'on va inventer la bande criminelle des Cartouchiens. Mais c'est surtout à ce moment-là, entre 1720 et 1721, que les gens connaissent le nom de Cartouche. Oui. Que les gens, c'est grâce à la justice en quelque sorte, qu'il devient une figure inquiétante pour certains, mais qu'il devient aussi une figure stimulante et séduisante pour ceux qui voient qu'il déjoue la police, une police qui multiplie les espions, une police qui multiplie les arrestations arbitraires. Ça sera donc un de ses complices qui le trahira. On lui mettra la main au collet dans une auberge, justement, et il sera incarcéré dans la prison du Grand Châtelet. Il réussira, jusqu'au bout, il va essayer de s'enfuir. Hein, il réussira à percer le mur de son cachot, mais on réussira à l'arrêter au moment où il était prêt à dédaler dans les rues. Ouais. Et puis, il est exécuté le 28 novembre 1721, mais il résiste un moment à ses interrogatoires musclé, dirons-nous, de l'époque, mais il finit, avant de mourir, par décider de passer aux aveux. Pourquoi? Qu'est-ce qui le pousse à finalement passer aux aveux? Un mémorialiste de l'époque, Edmond Jean-François Barbier, disait que Cartouche a ouvert la mode de ceux qui résistent à la torture et qui ensuite, pour se payer un bon repas, vont demander un peu de temps pour dénoncer leurs complices. Alors, effectivement, il résiste à la torture, il est conduit à l'échafaud et c'est là où, en échange d'un poulet rôti et d'une bouteille de Bourgogne, il demande de voir les magistrats pour pouvoir raconter ses crimes et dénoncer ses complices. Alors, pourquoi? Est-ce qu'il a espéré jusque-là obtenir une grâce? Est-ce qu'il a espéré, ce qui est probable, que de la prison jusqu'à la place de grève, ses complices viennent le sauver? Quoi qu'il en soit, donc, il est entre les mains du bureau lorsqu'il décide de dénoncer donc 90 complices qui, à leur tour, en dénonceront tout autant hein, jusqu'à ce qu'il y ait une pléthore de gens interrogés et inquiétés par la justice. Et malgré ses aveux, donc, il gagne un peu de temps, il gagne ce poulet rôti, mais il va se retrouver, donc, on va l'exécuter le 28 novembre 1721 et de manière assez brutale. Il gagne peu au change, finalement. C'est-à-dire qu'il a obtenu un 24 heures ouais. de sursis pour dénoncer ses complices, mais non, effectivement, il sera, comme on l'a entendu tout à l'heure, ses membres seront rompus par la barre de fer agitée par le bourreau, et puis il mourira attaché sur une roue. Hein, et on raconte que néanmoins, hein, il n'a jamais pleuré, il n'a jamais trahi la figure téméraire qui l'avait accompagné pendant toute sa vie. Ses aveux, important quand même, quelles conséquences auront ces aveux que fera Cartouche avant de mourir? Donc, 700 personnes à peu près ont été inquiétées. Évidemment, pas dans les mois qui ont suivi, mais on trouve encore des cartouchiens hein, jusqu'en 1725, 1726 dans les archives de la justice. 350 arrestations, 59 exécutions capitales, concentrées pour l'essentiel pendant l'été 1722. Donc, il y a la volonté de la part de la police et de la justice de démontrer à quel point elle est efficace, à quel point la grande criminalité est sous contrôle grâce à la police d'Argenson. Le problème, c'est que la légitimité de la répression est de plus en plus contestée. Oui. Elle est contestée pour toute une série de raisons, parce que notamment, hein, d'abord parce que voir des pendus et des roués ne satisfait pas toujours. Parfois, on peut y être intéressé, mais quand il y en a trop, ça nous déplaît. Et puis, la figure de Cartouche était déjà ambiguë. Elle était déjà ambivalente et on ne pouvait pas se réjouir de la mort d'autant de cartouchiens. Enfin, Cartouche est pris avec sa maîtresse. On dit qu'il s'est enfui par un tour de souplesse. Un chien l'a fait pincer dès le matin. On l'a mis au cachot. C'est un extrait de La Complainte de Cartouche, une chanson écrite peu de temps après son exécution qu'on vient d'entendre. Ça nous permet, Pascal Bastien, de revenir à cette figure de héros populaire, on l'a un peu évoqué, dont on parlait donc au début de l'émission. Comment va se construire, au fil du temps, ce mythe de Cartouche? Comme je l'évoquais en début d'émission, elle se construit avant même son exécution. Lorsqu'il est incarcéré dans les prisons du Grand Châtelet, le geôlier, ce n'est pas nouveau, le geôlier, comme il sait qu'il a dans ses murs un personnage relativement populaire, va permettre à des gens aisés, des Parisiens qui ont de l'accès, comme on dit, de le visiter en prison. Et c'est là déjà une nouvelle réputation, si vous voulez, va se construire. Parce que ceux qui viennent le visiter, des gens lettrés, des dramaturges, des aristocrates, vont découvrir chez Cartouche quelqu'un qui est cultivé, dit-on, qui assurément a des qualités de guerrier, hein, je l'évoquais, courage, détermination, fermeté, sang-froid. On raconte qu'il a de la politesse, du sentiment, qu'il a un bel esprit. Et donc, les aristocrates, qui étaient terrifiés quelques semaines auparavant par la violence de Cartouche, vont en faire quelqu'un qui presque est un des leurs, qui avec l'épée au poing, aurait presque pu être un homme de guerre, presque un aristocrate. Ajoutons à cela que, toujours lorsqu'il est en prison, la comédie italienne et la comédie française vont mettre en scène une pièce avec Cartouche comme personnage principal. Le Parlement de Paris va interdire la pièce 3 semaines plus tard, mais le dommage aura déjà été fait. Cartouche, sous une espèce de figure qui n'est pas sans rappeler Scapin, hein, quelqu'un qui est plus rusé que les policiers trop bêtes pour l'arrêter, et qui va là faire oublier la figure du dangereux assassin pour être concurrencé par une figure plus positive, hein, qui touche un plus large public. Ouais. Quelques mots en terminant sur le modèle, en quelque sorte, qu'il va devenir pour ceux qui vont le suivre sur le chemin de la criminalité. Qu'est-ce qu'il représente, Cartouche, pour ceux justement qui, d'une certaine façon, vont marcher dans ses traces? Entre réalité et fiction, donc Cartouche, c'est l'archétype du voleur généreux qui redistribue l'argent de ses forfaits, ce qui est complètement faux, hein, mais qui fait partie de la construction du personnage. C'est un modèle de sang-froid, d'intrépidité, de courage, qui là, pour le coup, c'est vrai. C'est un héros picaresque, hein, qui réussit longtemps à déjouer une police pas toujours brillante, comme Rocambole ou Arsène Lupin, que j'évoquais tout à l'heure. Mais c'est aussi un acteur impitoyable, dans un spectacle médiatique qu'il maîtrise à peu près, hein, et qui, pour moi, la figure contemporaine de Cartouche, c'est Jacques Mesrine, hein, qui joue des médias et qui est tellement ambivalent comme personnage qu'il ne peut que séduire et passionner ceux qui le regardent entre frissons et séduction. Pascal Bastien, c'était un plaisir de vous recevoir à cette émission, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup. Merci encore. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Anne Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Et si Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.